Chapitre 16. La pluie. On approchait de la période diluvienne d'été qui venait tous les ans couvrir le ciel quaternaire. Alors le vent fraîchissait, le froid souvent tuait la fleur ou le fruit sur la branche, et d'immenses famines consécutives exterminaient les frugivores. Les rivières et les fleuves débordaient. L'homme cloîtré aux grottes du haut pays, approvisionné, hibernait, passait des heures à construire des outils et des armes. Vamiré, en prévision de ses jours néfastes, pagayait tout le jour. Elem, soumise, conquise, aidait. De la chair d'élaf, cuite, servait à l'alimentation. Il s'y ajoutait des fruits sauvages, des racines fraîches, des œufs dérobés au nid tardif. Vamiré veillait Elem tendrement, et leur nuit sur les berges fluviales avait l'immense poésie des enfances. Ils vivaient bien abrités contre le torrent des pluies. Le canot soutenu par quatre piliers servait de toiture. La peau du spéléa fermait le côté du vent. De larges ramures débordaient partout sur les côtés. Et ce fut en ces jours que le grand nomade d'Occident devint l'époux de la fille des contrées inconnues. La pluie crépitante, le grand bruissement de la forêt criblé par l'invasion des gouttes, déjà cela comptait l'hiver et la joie du refuge. La première froidure confirma le pronostic. Vamiré, dépouillé en faveur d'Elem, grelotta sous la bise précoce. Il dut dépenser la matinée du lendemain à découvrir quelques bêtes à fourrure. Un ours fut pris à l'embuscade, le cœur traversé d'un coup de sagaie. Sa cervelle, jointe à la cervelle et à la moelle d'un renne, servit à oindre la peau au préalable bien grattée, débarrassée de ses graisses et de ses tendons. Dès lors, ils furent tous deux au chaud pendant le sommeil. Elem, ravie du confort, riait doucement, infiniment confiante. Mais Vamiré gardait le souci des grandes pluies proches. Elles rendaient la forêt inhabitable. Les fauves, plus agressifs, les hordes de loups, aux fins dangereuses, allaient amplifier la lutte sous les alliés. Au combat perpétuel, les armes seraient brisées. Il faudrait, durant des semaines, séjourner en quelques grottes pour refaire des harpons et des sagaies, sans compter la rudesse nocturne au campement volant, les féroces averses sous le ciel découvert. Pour peu que le début de la période diluvienne fût doux, on atteindrait les grottes vers la fin de juillet, mais en se hâtant, en employant toutes ses journées. Vamiré n'y manqua. De l'aurore au crépuscule, sa main vigoureuse tourna la pagaie. Malheureusement, des avaries survinrent à la pirogue, et il fallut dépenser 3 jours à un soigneur à doubage. Enfin on reprit l'eau. Le fleuve gonflé se teignait de limon, débordait déjà ses rives les plus basses. Le courant s'opposait davantage, il fallait tenir la côte. De gros troncs flottants menaçaient, et de terribles algues embrouillaient leurs échevaux. Elem passait la grosse partie du jour enfouie sous la fourrure, dans la stupeur de l'eau filante. Le repas était sa principale occupation. Pour le prendre, on amarrait la barque dans quelques havres. Grâce à une provision de brindilles mise à couvert, le feu flambait assez pour achever de cuire une portion d'élaf, un palmipède, un poisson harponné en route. Le climat, sec et froid, des temps de la Madeleine aux steppes d'Europe, quoique adouci dans l'Orient méridional, comportait aussi, néanmoins, la subite reprise du froid avant l'équinoxe d'automne. Cette reprise donnait lieu à des migrations partielles parmi les singes, les daims, les chacals, les rongeurs, les oiseaux palmipèdes et échassiers. L'anthropoïde alors reculait vers le tropique, tandis que les hordes du mammouth arrivaient plus nombreuses et que les pères de l'éléphant indien, les fils du grand Anticus de Shell, descendaient les monts. Vamiré parfois arrêtait sa pagaie, quand arrivait sur les bords du fleuve une troupe de daims ou de chacals en route. Mais il se passionnait véritablement pour l'exode du singe, à quelques défilés où, par des îles, il pouvait de cime en cime gagner l'autre rive. S'écoulant par centaines avec des clameurs d'orage, on les voyait se balancer, bondir à 20 coudées, rattraper la branche et de nouveau bondir. Leurs faces grimaçaient comme mues par des idées. Ils avaient des gestes tout humains, se grattant le front, s'épouillant, assis sur le derrière, épluchant du doigt et de la dent quelques fruits. Leurs oreilles bien ourlées, leurs yeux à la visée très droite, l'adresse, l'intelligence de leurs mouvements, charmaient Vamiré à l'extrême. Il arriva qu'une mère furieuse lança son petit sur l'herbe. Le jeune singe blessé gémit en vain. Les autres parurent peu soucieux d'encombrer leur colonne d'un invalide. Ému, le grand nomade courut ramasser l'enfantelet. Il le trouva geignant, ses paumes appliquées à la poitrine. Mis au chaud, des fruits proches, la bête fut gentille. Elle aimait dormir au giron d'Elem, s'installer sur l'épaule de Vamiré, puiser de l'eau dans sa main, quereller son image dans les flots. Et rien qu'à la voir, mobile, pleine de caprices, attachée à de menus jeux, le cœur de Vamiré se dilatait. Était-ce une race d'hommes nains? Sur ce point, il interrogea Elem et sut qu'on ne leur connaissait pas de langage, qu'ils vivaient comme des animaux. Cependant, elle parla de l'homme des arbres, constructeur de huttes, et Vamiré se souvint de l'être aux yeux d'ambre, aux cheveux rares, au corps velu rencontré naguère. Un jour, à l'heure où le rouge indécis, tremblant dans la clarté, annonce le coucher de l'astre souverain, Elem poussa un cri. La pagaie du Bzan cessa de remuer les flots. Sur la rive droite, des hommes avaient paru. Ils étaient bas de stature, courbés, et sur leur visage une laideur triste et humble s'immobilisait. Armés seulement de l'antique massue, des cheveux noirs disposés par petites houppes leur descendaient jusqu'au menton. « Ce sont les mangeurs de vers, » murmura Elem avec dégoût. « L'été, ils pénètrent aux forêts et se nourrissent des bêtes molles cachées dans les coquilles. Au temps des pluies, ils descendent au bord de la mer et nulle tribu sacrée ne tolère leur voisinage. » En fièvre, Vamiré observait les mangeurs de vers. Leurs mâchoires proéminaient, leurs fronts coulaient en pente douce jusqu'à d'énormes arcades à sourcils. L'arrière de leur tête, démesurée, semblait trop lourd. Leurs reins ne cambraient pas et ils s'étayaient sur la massue pour assurer leur marche. Quelque temps, parmi les plantes aquatiques, ils cherchèrent des racines, des fruits à pépins, et tous déposaient leur prise sur un tas devant le chef de la troupe. Déjà, au long de leur route, ils avaient amassé des mollusques univalves, des tubercules, des feuilles potagères. Aussi le tas était-il considérable. Quand le soir fut très proche, ils se groupèrent autour du chef et celui-ci distribua équitablement les vivres. « Ils sont justes, » murmura Vamiré, satisfait. Puis, leur voyant allumer du feu, il céda au cri de son cœur. Il dirigea vers eux la pirogue avec des gestes de fraternité. Ils s'émurent d'abord, mais le petit nombre des survenants les tranquillisa. Grave et silencieux, ils contemplaient le grand nomade et sa compagne. La taille de l'homme, inconnu dans l'Orient, les stupéfia. Pourtant, ils furent prompts à sympathiser avec lui, tandis qu'ils gardaient une visible méfiance d'Elem, où se retrouvait le type de leurs plus féroces persécuteurs. Ils n'avaient pas de femme parmi eux. Celle-ci, en horde confuse, suivait de très loin. Le printemps réunissait les sexes en des endroits traditionnels, puis les bandes mâles abandonnaient les bandes femelles pour l'été, l'automne et l'hiver. C'étaient des vaincus, tôt jaillis de la matrice anthropomorphe du tertiaire, entrés dans les voies externes de l'humain par l'adoption d'armes, de méthodes sociales, trop loin du processus animal pour y rentrer brusquement sans faiblir, ils avaient perdu devant les cadets vigoureux l'espérance organique, cette force singulière qui abandonne le haut type du rouge devant l'arien. Relégués au surplus dans les steppes arides ou à la profondeur des forêts, faibles, mal armés pour la chasse des rapides faunes sylvestres, ils tombaient de plus en plus à la phytophagie, adroits à découvrir les tubercules qui sont sous la terre, à reconnaître les tiges, les racines comestibles, s'approvisionnant du pépin de la pastèque, de la graine de l'héliante, friant de tout mollusque, passant l'hiver sur les côtes du lac Caspien ou de la mer Noire, à vivre de pêche rudimentaire. Une bonté, un instinct adorable, rendait la vie de l'individu précieuse à la masse. La plus stricte égalité réglait les partages, et chacun se dévouait pour sauver son frère de la griffe des fauves. Par là, ils étaient encore les maîtres du lion, de l'ours, du léopard et même de l'anthropoïde. Mais leur effroi des brachycéphales, chasseurs des steppes fécondes, était immense. Ils avaient vu périr les leurs par milliers sous les flèches et les sagaies. Jamais ils n'approchaient des campements ennemis à moins de 6 journées de marche, et ils évitaient jusqu'aux groupes solitaires. Vamiré les capta par son rire puéril, sa générosité à offrir les vivres de son canot, des tranches d'élafes et d'esturgeons, des œufs de canard. Ses provisions furent encore soigneusement réparties, à la joie du Psan. Celui-ci, ayant fait présent au chef d'une fourrure de renard, resta confondu de surprise lorsqu'il vit gravement déchiqueter cette fourrure et un morceau en être offert à chacun. Son large rire, ses essais de faire comprendre l'absurdité d'une telle pratique, induisirent les mangeurs de vers à quelque défiance, mais plus manifeste encore apparaissait leur terreur d'Elem et le dégoût éprouvé par la jeune fille, tellement que Vamiré décida à regret la séparation. Il se réembarqua donc, mais lorsqu'il fut loin, caché par les roseaux, il regarda longtemps avec des exclamations basses. Les mangeurs de vers, activant leur feu, se groupaient tout autour, et après avoir construit en branchage une hutte légère où se glissa le chef, ils s'accroupirent sur les talons en plein air, la face enfouie dans les genoux, les paumes sur la tête. Et le sommeil les prit ainsi. Alors le Psan conçut une grande pitié pour le sort de ses frères inférieurs. Tandis qu'il atterrissait, le murmure de ses lèvres fut plein d'amertume. Il resta sombre durant le repas soiral, s'endormit tard. Levé avant l'aube, il assista au départ des mangeurs de vers. Il les vit traverser le fleuve à la nage et s'enfoncer dans l'est. Lorsqu'ils eurent disparu, il soupira mélancoliquement, puis il éveilla sa compagne et mit sa pirogue à flot. 4 jours coulèrent dans le labeur du voyage. La nuit du 4e, l'ouragan déchaîna ses furies. Des arbres s'abattirent avec fracas. L'eau du fleuve se souleva en vagues énormes. La forêt trembla toute. À l'abri, sous un plan de rocher, Vamiré dormit, résigné et paisible. Elem passa la nuit en prière, dans l'imploration de l'inconnu. La force insinuante sifflait à travers les halliers, courbait les hautes ramures, et les voix confuses y lançaient des appels. La tempête baissa vers l'aube. Le jour fut doux, du soleil vint parmi les nuées. La forêt revécut une vie humide et tienne. Le fleuve, teinté de limon, large, abondant et tranquille, charriait les débris de la bataille d'hier. La descente vers la mer des poissons remonteurs de fleuve commençait. Ils filaient par bandes, très près de la surface, amincis, épuisés du travail de la fécondation. Elem, lasse, dormait. Vamiré, le cœur allègre, pagayait vers la lointaine patrie. Par les heures monotones, l'idée d'espace à franchir, le vertige de la course apaisait le cerveau du Psan. Il n'était plus guère qu'une volonté tendue, un organisme plongé au sommeil des fluides, l'eau, l'air. Les clapotements de l'une, la caresse sans fin de l'autre, endormaient sa chair, immobilisaient sa mémoire sur quelques mots, sur l'image de son père, de sa mère, de son vaillant frère Kouni, ou de sa jeune sœur au bond de chevrette, sans qu'il parvint à réaliser l'effort qui lie les choses et les crée parlantes. Mais vers la 6e heure après-midi, un phénomène inquiétant commença de se produire, et toute l'attention du grand nomade y fut attirée.